j'avance de pied dans le vide. Me suis-je dans le vif, trop de fuite, trop de fils de putain dans le lot. On a grandi en hess texto, pas un seul euro en poche. Et ton frère te met un couteau dans le dos. Laisse les frères les voyous. C'est la jeunesse dorée du ghetto, ils veulent nous faire les klepto. Toute la rue m'a validé. On n'arrache pas les vieilles fatiguées, on a repris le bendo. J'te laisse dans le délire, pillage, ruinard, pillage, ruiné, c'est pas carré. Pour autant, j'suis dans le délire. Bicraft, studio, kilos, minos, c'est pas pareil. J'les laisse dans le déni. Monte les liens sur le divan. Mon rôle d'après moi, ils sont morts. D'après eux, ils sont vivants. Stop, t'es tombé, c'est plus fort. Tu sens que les bails ils sont sombres. Il paraît que les gens parlent, ils m'en veulent. Le bail devient rentable, ils m'en veulent. J'fais que monter, je descends pas, ils m'en veulent. On a affolé les compteurs, ils m'en veulent. Ce soir, je ne rentre pas, tu m'en veux. Je n'ai pas tenu mes promesses, tu m'en veux. Non, ce soir, je ne rentre pas, tu m'en veux. Je n'ai pas tenu mes promesses, tu m'en veux. Jean-Bob, elle est tentante. Elle a recalé tout ça dans la tête. Bien sûr qu'elle est bandante et qu'elle en vaut le coup si je me prends la tête. Merde, elle rend malade. Je peux pas la quitter comme ton canard, ouais. Tu fais la maille, fais la mala. Mala, mala, mala. Je regarde pas l'heure, je sors le T-Max. Startup, chargé son côté cartel. T'as les ténèbres. Startup, descends de côté. Pas le temps pour faire la guerre. À part si ça rapporte à maman, ben je vais la faire à plein temps. Il paraît que les gens parlent, ils m'en veulent. Le bail devient rentable, ils m'en veulent. Je fais comme monter, je descends pas, ils m'en veulent. On a affolé les compteurs, ils m'en veulent. Ce soir, je ne rentre pas, tu m'en veux. Je n'ai pas tenu mes promesses, tu m'en veux. Ce soir, je ne rentre pas, tu m'en veux. Je n'ai pas tenu mes promesses, tu m'en veux. Tu m'en veux, tu m'en veux. J'en ai rien à foutre, c'est ma vie. Ouais, en fait, t'es mauvaise, t'es mauvaise. T'es pas contente de ce qui m'arrive. Oui, mon cœur, c'est des menteurs qui n'aiment pas donner leur avis.